100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Où est-ce que moi que ma peu fera pour qui que ma peu fera condamneur et n'est pas d'enfoiré que ma peu fera. Le froid, pas mieux, c'est propre que la peufra. Les sauts, c'est nous, t'aura que la peufra. Les guides, c'est ça, t'en veux, t'es long, que la peufra. Si le temps est XO, ce n'est que la peufra. Toi, tu regardes en rétro, on est déjà à bord nos vaisseaux. La peufra, on bat les coups d'attaquer, nous on contrôle déjà le réseau. Toi, moi, t'allais bien tasser, on passe pas, je t'ai comme métro. Ce soir qu'on sent pour vous violenter. Par tous les trous, je te fous la santé. Comme tes amis, tes jours sont comptés. C'est ma tournée, c'est pas ma volonté. Donc on le bouge, j'ai perdu mon temps. Je veux faire des sous, je veux faire des montants. Dans l'un seul tout, vous trouverez mon clan. Ton seul talent, c'est sucer mon clan. Sans le peur, tu nous fais débander. Je baisserai ta mère si mes yeux sont bandés. Derrière, devant, de partout, je vais rentrer. Vous allez vous cambrer, tenez vos gants, perdez vos os. Une fois que j'ai crassé, je fais dodo. Tu vas comprendre que le rap c'est haram. Alors après mon douze, m'en vais pour faire l'odo. Merde, merde, me suis chier là. Mais tu, car ça chier là. À coup de, on va te là. Arrête, qu'est-ce que tu fais là. Fais là, fais là, fais là, si on. Fais là, fais là, fais là, bien. Paniquez pas, c'est que tu peuras. Bagneux se vrant, que de la peu fera. Bagneux se vrant, que de la peu fera. Les sauts c'est nous, t'auras que de la peu fera. Les guides, c'est ça, t'en donnes, t'es un, t'es long, que t'as peu fera. Si le temps est XO, ce n'est que t'as peu fera. Toi, tu regardes en rétro, on est déjà à bord le vaisseau. On s'en bat les coups d'attaquer, nous on contrôle déjà le réseau. Toi, moi, t'allais bien tasser, on passe pas, j'ai des corps les deux. Ma peau, nous font dépasser, un peu t'as comme ça, mais les deux. Tu veux plus m'entendre, faut m'assassiner, non, j'ai plus leur temps. J'pourrais appeler les billets pour ces sous-rentrés. Si je me fais péter, mes petits frères fondront au relais. Par balle, gilet pour mes intérêts. Par balle, gilet pour mes intérêts. Que t'as peu fera dans le que ça, mon d'accord ça. Drogue et monnaie dans la cabessa. Sans disant, c'est mon style qui les dérange. Inspiré de Chicago et de sa balance. De se dire, on s'est laissé la concurrencer. Je veux croquer dans la femme comme de tarbré. Je veux croquer dans la femme comme de tarbré. Je ne grossis qu'un vestibule dans la sécme. Nique les sous de la crapule dans la sécme. Tout ça m'amuse, et c'est la buse. Un bon temps, par balle, mais juste ton anus. Tu plais l'authentique, oui, oui, c'est la tue. Oui, oui, tu dis-tu. Ils ont sale, sultan, sale. On va aller fumer. Bagne brossage du malade, nous coffrer comme un nitron de beurre. Nitron de beurre. Bagne brossage du malade, nous coffrer comme un nitron de beurre. Nitron de beurre. Sultan XO. Le morceau, c'est que de la peufra dans la nocturne 100% rap français. Il y a Alonso qui se prépare. C'est franc que ta peufra. Les sauts c'est nous t'auras que ta peufra. Les guides c'est ça, t'en veux, t'es long que ta peufra. Si le temps est XO, ce n'est que ta peufra. Toi tu regardes en rétro, on est déjà à bord nos vaisseaux. On s'en bat les coups d'attaquer, nous on contrôle déjà le réseau. Toi moi t'allais bien tasser, on passe pas, t'étais comme mes deux. La peufra, pour nous font dépasser, un ton tas qu'on s'amène les deux. La peufra. Planète rap, 100% rap français. Quand on va voir sa pute, on met un casque à la Daft Punk, mami. François Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter, Hollande roule en scooter. Scooter, coup de cœur, casque à la Daft Punk, minimum pour une avaleuse. Casque à la Daft Punk, minimum pour un rafaleur. Une demi-heure, minimum sur ton postérieur. T'es un voleur, un cambrioleur, pied de biche, grand minimum si tu cherches de l'or. Si le bélier frappe ta porte à 6h, surtout ferme-la. Si pendant ta peine t'as l'air l'ihnine, vas-y, marie-la. Cramé comme la loup, boutin de chienne. tu vas t'arrêter. Je sais que t'as cliqué, t'as pas liké. Je vais t'embêter, mais t'es piqué. Je vais t'expliquer, je vais tout clipper. Tu vas le quitter. Quoi? À la Daft Punk, j'ai dit sur ta belle sœur. Tu dis que t'es un braqueur. Mais seul ton phone a un chargeur. C'est toi qui cuisine, t'as appelé un traiteur. Je reviens dans un quart d'heure. Fais-moi des pâtes au beurre, pâtes au beurre, président. Qui en a vu sur un deux roues avec sa sous-sous, bisous, bisous sur la chevou. Je vais faire comme monsieur le président. Je vais niquer le rap français, un message découvert. Hey, pour ceux qui m'attendent, regardez ça, je le sortirai quand je voudrai. Attendez rien, mais attendez-vous à tout. 2014, mamé. Hey, comme rien des sarcophages, comme rien nouveau. Spike Miller. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Dossé. Joui. Négro, j'ai la dose. Rebeu, j'ai la dose. Babdou, j'ai la dose. Revoici ton gars tous. Pour mes raclos, j'ai la dose. Pour mes raclis, j'ai la dose. Pour mes accros, j'ai la dose. Revoici ton gars tous. J'ai cette putain de voix dans ma tête qui me dit d'allumer tous ces têtes. Igo, ton équipe est-elle prête? Car je saisirai n'importe quel prétexte. Je vous annonce une vague de drummer pour finir en beauté le summer. C'est fiant, t'analyse mes propos, essaye d'en mesurer la teneur. Son cœur qui palpite et les subs qui tremblent. Toutes ces timbres reconnaissent mon timbre. Fais pas l'erreur de nous prendre pour tes balles, traîne parce qu'on reste humble. Va donc fourguer ta merde à d'autres. Ici personne n'est scato. Dites bien à tous mes accros que j'arrive fort, je suis juste en mercato. Trace de fouet sur les dorsaux, tête baissée pour mes fautes. Tiens, bras levés sur les morceaux, je vais baiser vos dindes pour les fêtes. Je suis posé au fond du peuple, je guette tous ces négros qui se dandinent. Seigneur, dites-moi si je vaux mieux que Anne, rêver que de tout ça qui s'empile. Petit coup de fil à mon sauce du 9-3, petit transat qui s'enquille. Hop, la vie n'est qu'une question de choix, vous en faites pas pour moi, soyez tranquille. J'ai connu toutes sortes de douleurs, toujours été sur le fil du rasoir. J'en ai vu de toutes les couleurs, tiens, comme le gros cul de ma gloire. Tiens, quelques petits passages à vide, je cherche le plan pour me refaire. Séance UV, séance de squat, c'est tout ce qu'il faut à cette blanche pour me plaire. Libérer mon sang pour vesti, libérer ton bambou aussi. J'rappe pour un public averti, j'rappe comme un AK, j'rappe comme un Uzi. Yeah, négro, j'ai la dose. Rebeu, j'ai la dose. Babdou, j'ai la dose. Revoici ton gars, dose. Quelques amis près de moi, entre mon cœur et ma paranoïa. On ne panisse, tu nous déçois. Frappe d'Oscar de la Hoya. LS, Salmonerie, ALC, 4-5, Orleans, lieu du décès. Igo, que crapule, on sait, c'est volume à fond, vitre baissée. Igo, plus de 100 kilos d'essai. Meilleurs clés sont stressés, veulent leur dose d'héroïne, musique, cuillère, briquet, citron pressé. Yeah, je veux le Panamera noir mat, comme celui de mon poteau Condor. Plutôt la foutre que me la faire foutre, c'est ce que j'appelle être du bon bord. Bitch, négro, j'ai la dose. Bitch, rebeu, j'ai la dose. Bitch, Babdou, j'ai la dose. Bitch, revoici ton gars, dose. Pour mes raclos, j'ai la dose. Pour mes raclis, j'ai la dose. Pour mes accros, j'ai la dose. Dites bonjour au gars, dose. Resserrez vos strings, bande d'enfoirés. Je suis juste en mercato. Je vais te dire un truc, Igo. Même le soleil brille pas pour tous les endroits de la terre au même moment. Un jour c'est toi, un jour c'est moi.

100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Foulek Empire. À des millions de kilomètres de chez nous, la star céleste fait tout simplement un malheur. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Y'a plein de peuples et de l'oseille. Devine qui va nous faire un classique. Qui a le pouvoir médiatique. Qui a putain de forme olympique. Qui a le passeport diplomatique. Derrière moi j'ai mon bled et l'Afrique. Devant toi t'as les vrais de la street. À ma table des multimillionnaires. Des gâchettes à la chaîne, des gros bars et les schmitts. Cache tes copines, tes bélecs. Ce message ne s'adresse pas qu'aux putes. T'as perdu le code PIN de sa chèque. Je reste sage, mais je connais le code PUC. C'est rien de te la mettre dans le HUC. Oups, excusez mon langage. Le rap game suit bien braquage. Comment négocier quand tu n'as pas d'otage? Évitez les questions sur les clashs. J'ai pas le temps de déterrer les morts. Soit tu m'aimes ou tu rages. L'un ou l'autre, vous me donnez la support. J'y vais fort, baisse tout sans effort. Je suis pas fourré, je me téléporte. Même sans, je n'ai jamais eu tort. Un plus de 300, les pieds sont à vos portes. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Garde la meuf et de l'oseille. Au calme. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Au calme. Plus chaud que le soleil. Insolation. Garde la meuf et de l'oseille. On laisse pas au flot tentaculaire. Faut de l'or en format rectangulaire. Je suis à la base, gros, la pierre angulaire. Je vais jouer la relève avec mon auriculaire. Il m'écrit sur mon régime de dictateur. Je vais dans le nucléaire, les mondes en l'air sont réacteurs. Qu'est-ce que tu connais aux cités? Si t'as mangé des pierres, c'est qu'on t'a pidé. Je ronflais dans les escaliers, de monde à des tests. T'es mal les touristes, prennent en photo avec ma caisse. Mes Zlatan en mode Hermès, les tiennes en mode Herpès. Va l'acheter le 93, moi racheter la graisse. J'suis moins tracé, plus puissant qu'un Marvel. Y'aura plus qu'un retour de manivelle. Puis tu as le chaos, puis la revanche est belle. Lis mon place au dépôt comme sur la tour Eiffel. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Garde la meuf et de l'oseille. Au calme. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Au calme. Plus chaud que le soleil. Insolation. Garde la meuf et de l'oser. Prends la hauteur mais personne de haut. Tu crois que j'ai pris des ailes mais non c'est mes dorsaux. Y'a que sur un stack les bras de train s'embrouillent. Tu peux muscler tes pecs, tes bras mais pas tes couilles. C'est un outil d'été, la sapologie m'a validé. Préparer les enveloppes, j'avais confié au lomité. Déterminé, vénéré par ton petit copain. J'ai plus de likes que ton popotin. Super Mario et ton rêve africain. C'est autant de rageux que nous, tu seras quelqu'un. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Garde la meuf et de l'oser. Au calme. Plus chaud que le soleil. Plus chaud que le soleil. Au calme. Plus chaud que le soleil. Insolation. Garde la meuf et de l'oser. 100% rap français. Planète. Marteau. La nocturne. Ok. Ici c'est Paris. Hey. Ferrati, Ferrati, le contrôle du ballon dans le camp des ennemis. Si tu chantes pas, tu rentres chez toi, viens pas chez nous, si ouais c'est Paris. Toujours un tac, une passe dans la surface, c'est la grosse frappe de Cavani. Pourra toujours compter sur Tiago, ta cabaye ou bien Matuti. Impulsif, audacieux, je ne sens chaud du milieu, le plus astucieux. Agressif, ambitieux, nouveau pire, l'autre technique en plus malicieux. Que des galères avec tous les arbitres en ligue, y'a trop de contentieux. Arrête-le si tu peux, qu'est-ce que tu veux, l'insolence en personne, c'est Marco, monsieur. Ouais. Verratti, Verratti, la fougue, le sommet, la jeunesse de Paris. Tout le monde crie Verratti, ils savent que Verratti, c'est pire, c'est tuerie. Passage de rein, tous les entraîneurs, ils disent qu'il est pas net. Il a ses petits grains, une folie magique, et ça sert à sa planète. Titulaire indiscutable, sélectionné pour la coupe du monde. Passé clair dans tous les stades, comme à l'entraînement, fou de la gueule du monde. Ça rend fou les adversaires, ça rend trop vestiaire en 40 secondes. Que des grands bons dans l'atmosphère et tous les supporters restent vergons. Petite carrette, si tranquillement pas comme Ripper avec son pédo. Mondial au Brésil, c'est lui qu'on a élu meilleur joueur italiano. Dribbleur efficace de vitesse, en finesse, en place comme un voyou. Arrivé de Pescara, tout droit de série P avec une dinde de Locaro. Verratti. Boulogne-Auteuil, même qu'on passe à champ grave ici, c'est pas pour Ellie. 2014, nous montons sur un coup de tête à la Materazzi. Ici c'est Paris, c'est magique, on lâche rien si tu veux tester, vas-y. Verratti. Insolent, comme Marco Verratti. Insolent, comme Marco Verratti. Paolo Maldini, Francesco Totti, comme il vient d'Italie. Il prend ses couilles et contrôle le rinté comme un jeune grossiste de Paris. Même sans finir la Copa do Mundo, ça finit meilleur de sa team. Ton poteau veut tenir tête au Condé pendant qu'il tient tête aux arbitres. Ils étaient tous en train de le descendre, maintenant ils viennent sucer sa bite. J'compte sur lui comme un condé solo, au check s'il compte sur son brolic. Ou sur son collègue qui déboule le VD, toyer sa dinguerie. PSG, fier supporter du PSG. Ouais, tu peux me croiser au Parc des Princes, même à l'époque où ça y est, gratter des gros J. Ouais, demande à Mémel, ouais, la fureur depuis tout petit. Y'avait Ryder avant Rooney, Zlatan ou Ben Cavani. C'était vraiment mon poteau, fais-moi une passe à la VV. Ouais, un putain de caviar, vas-y fais-moi briller, vas-y fais-moi marquer. Non, bon, fais pas le creux, même si je sais que j'aime la croquer. Mais elle est bonne à croquer, et je fous mon but en LDC. OM, Barça, Chelsea, peu importe la team, jamais déballonné. Big up Nasser, aka Tonton Lyonmi, soit que le fair play financier. Paname de tout part, Paname et ses loupards sur les Champs-Élysées. Le club de la capitale, c'est ultra, c'est mec que t'es enragé. Verratti. La nocturne 100% rap français. Verratti. Si Marco est dans sa caisse. Après le match face à Evian, il va se consoler avec ce morceau offert par Damus 9-4 dans la nocturne. 100% rap français. On la récupère et tu verras qui ma gueule. PSG Boys, Verratti, du 9-4. Planète rap. 100% rap français. Lundi, et pendant 15 jours, il débarque, 1er septembre, sortie de Corleone. La crime. La crime, dans la nocturne 100% rap français. Corps. Tu fais des sous, t'as pas capo. C'est que t'es comme moi. La rue, c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice. L'honneur, petit frère, sois fier, regarde-moi, là ouais, le jour, la veille, de ma paye, je dors pas, l'ivresse, la faim, des billets, de mon repas, ouais, la guerre pour faire ma vie, protéger la mif, tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein, tout niqué, des frères ont embrassé la mort, ça y des médis, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein, vais-je pouvoir un jour me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Combien dans ta ville ont fini bandit? À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même avec des millions, aurons-nous la paix? Beaucoup trop finissent par se fumer. On est qu'à leur vie en col, mon gros. Avec la faim, je suis parti de rien, je voulais. Voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, jeune et doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Je suis un grand loup de la tête, qui a tout niqué pour rater sa pièce. Yo,

fin de la nocturne avec le son de Kenny Arcana et le cinquième soleil. C'est fini pour cette première nocturne de la saison 2014-2015. Lundi, soyez au rendez-vous. Les deux Fabs seront là aussi. Ouais, avec la crime qu'on attend pendant 15 jours pour son album Corleone, 1er septembre la sortie. On va pouvoir le découvrir dès lundi, 20h-21h. Loupez pas le retour de Difool aussi, hein, juste avant, juste après Planète Rap. Ce sera à 21h dans la radio libre. Avec toute l'équipe en pleine forme, on pourra vivre ça sur Skyrock. Rencard lundi, passez un bon week-end d'ici là. Continuez à balancer des messages, on va squatter un petit peu, voir vos messages arriver. 41759 avec le hashtag Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Fabuleux prend le contrôle du son rap R&B en non-stop. C'est parti, ciao. Il est 2h du mat. Skyrock, rap R&B non-stop.